Le multivers. Chaque soir, il retourne dans les champs fleuris plantés de cerisiers, et chaque fois, de l'autre côté de la porte noire, Nathalie l'attend. Ils se parlent toutes les nuits, mais il arrive que la voix devienne si ténue que, réduite à un murmure, elle en soit inaudible. Il a longtemps douté qu'elle puisse être vraiment celle qu'il a tant aimée. Il en a longtemps douté, jusqu'à ce qu'elle évoque ce minuscule grain de beauté si malicieusement placé par la nature. Il l'appelait le point sur le i. Elle seule peut connaître ce détail si intime. Il est devenu fou, s'est précipité pour franchir la porte, hurlant son nom. Le bloc noir s'est alors étrangement comporté, comme un amortisseur. Son corps était freiné en douceur, mais pas suffisamment, et au petit matin, il est tombé de son lit. Le réveil a été brutal. Il en est resté, la hanche endolorie, le rire de Nathalie dans les oreilles. Il est à peine 13 heures ce samedi lorsque son téléphone sonne. Comme il s'y attendait, c'est le docteur Rampa. Fait inhabituel chez une personne d'ordinaire si sérieuse, son ton est presque joyeux. « Bonjour, monsieur Rin. Avez-vous bien dormi ?»« Bonjour, docteur. Je n'oserais dire comme un bébé, mais presque. Avec la disparition des douleurs de mon dos, il y avait longtemps que je ne m'étais senti aussi bien. »« Bien sûr. Avec un corps de 73 ans. » « Mais j'ai un moral de jeune homme. D'autant que, comme vous l'aviez prévu, je suis retourné là-bas et j'ai parlé à Nathalie presque toutes les nuits. Vous m'en voyez très heureuse, car après réflexion, il s'avère que j'ai beaucoup de choses à vous dire. »« Ah bon, mais... » Malgré le ton enjoué du docteur Rampa, la voix de Jean laisse transparaître son inquiétude. « Ne soyez pas inquiet. Ce ne sont que de bonnes nouvelles. Cependant, comme le sujet est un peu long à développer, je pense qu'il faudrait que l'on se voie. » Mais en dehors de mes heures de consultation et dans un cadre privé. » Jean est déconcerté. Qu'entendez-vous par un cadre privé ? Simplement tout lieu qui ne soit pas mon cabinet ni un lieu fréquenté, car nous aurons besoin de calme pour parler. Pour faire simple, je vous propose mon domicile qui jouxte mon cabinet et qui est bien un lieu privé. Le ton très administratif ajoute à la perplexité de Jean. C'est entendu, docteur. Maintenant que nous savons où, il n'en reste plus qu'à décider quand. Il est environ 13 heures, que diriez-vous de cet après-midi à l'heure du thé? Bien, mais je ne voudrais pas abuser. Je peux vous assurer que ce sera un plaisir. Merci de votre disponibilité, docteur. À ce soir donc. Jean vient à peine de raccrocher que déjà toutes les questions possibles fusent dans son esprit. Très rapidement, cependant, il cesse de s'interroger. Certain que la réponse est à mille lieues de son questionnement. Les heures à venir vont être les plus longues de sa vie. Tant et si bien qu'il part avec 10 minutes d'avance, de crainte d'être en retard ne serait-ce que d'une milliseconde. À 16 heures, il se garde devant la maison et sonne à cette porte qu'il commence à bien connaître. La porte s'ouvre, et le vieil homme ne peut s'empêcher de sursauter. Il reste, planté là, les bras ballants, la bouche ouverte, en une mimique de surprise. La femme qui vient de lui ouvrir est bien Lacia Rampa, mais elle n'a plus rien à voir avec le médecin qui le soignait 2 fois par semaine. Exit la blouse blanche et les chaussures à talons plats, exit les lunettes à monture d'acier, exit la sévère queue de cheval. Tout cela laissait place à une tenue des plus classiques, mais d'une élégance discrète et raffinée. Une jupe droite, noire, au milieu du genou, complétée par un chemisier sans manches d'un bleu très pâle, des chaussures noires à talons qui, sans être des talons aiguilles, la rehaussent de quelques centimètres. À l'annulaire droit, une bague en or au motif compliqué, assortie au pendentif qu'elle porte au bout d'une fine chaîne, et enfin, ses longs cheveux noirs lâchés sur ses épaules. Le docteur Rampa semble ravi de l'effet produit et invite Jean à entrer. Il n'a pas encore pu articuler un mot. « Bonjour, monsieur Rin. Entrez, je vous prie. »« Bonjour, docteur. » Lacia Rampa lui répond avec un sourire qu'il ne lui connaissait pas. « J'ai troqué ma tenue de travail contre ma tenue de ville. J'espère que ça ne vous gêne pas. » Jean parvient tout de même à faire une phrase. « Pas du tout. C'est seulement que je ne vous avais jamais vu en civil. » La plaisanterie accentue le sourire du docteur Rampa. « Entrez donc. Non, non. Cette fois-ci, c'est à votre gauche. Je vous précède. » Jean lui emboîte le pas et pénètre dans un grand séjour très lumineux à la décoration totalement dépouillée et d'un rare raffinement. La quintessence de ce que pourrait produire de mieux un artisan italien inspiré par la culture japonaise. Au fond du vaste séjour, une cuisine américaine donne une touche de modernité à ce décor intemporel. Le docteur Rampa prend place dans le grand canapé de cuir et invite Rin à s'asseoir dans le fauteuil en face d'elle. Elle lui sourit pour le mettre à l'aise. « Si vous me le permettez, je vais d'abord faire une petite mise au point concernant cette entrevue et celles qui vraisemblablement suivront. Ce dont nous allons discuter n'a plus rien à voir avec la médecine et sort complètement de ce que je suis autorisé à pratiquer par le Conseil de l'Ordre. Ce n'est donc plus le médecin qui vous reçoit, mais l'ami, si toutefois vous acceptez que je le sois. » Jean ne sait trop que répondre et balbutie. « Oui, naturellement, bien sûr. » La sœur Rampa poursuit. « Parfait. En tant qu'ami, comme je vous l'ai déjà dit, je ne percevrai aucune rémunération, ni aucune indemnité de quelque ordre que ce soit. Si à ce sujet quelque chose devait vous gêner, sachez que cette démarche est autant bénéfique pour moi que pour vous. De plus, je souhaiterais, si vous en êtes d'accord, que nous cessions de nous donner du docteur et du monsieur. J'aimerais, afin de faciliter les échanges, que nous appelions par nos prénoms. Pour vous, c'est Jean, je crois, moi, c'est Lassia. » Bien, doc. Pardon, Lassia. J'avoue que je suis pour le moins perplexe, intrigué. Bref, j'ai 1000 questions. On en aurait à moins. Merci de votre confiance. Mais avant toute chose, je vais nous faire un peu de thé. Lassia Rampa se lève et d'une démarche élégante qui n'est plus celle du médecin, mais celle d'une femme raffinée, se dirige vers la cuisine. Le miracle des talons hauts. Le prendrez-vous avec du lait? Non, merci. Je le préfère nature. Il y a comme un rire dans la voix de Lassia. Je vous aurais bien proposé une version tibétaine au beurre de riz. La femelle du yak tibétain. Mais vous n'échapperez pas à la version masala. Jean se lève pour la rejoindre. Masala, qu'est-ce que c'est? Lassia se retourne légèrement et l'aperçoit debout. Non, non, restez assis. C'est ma petite surprise. Vous verrez. Elle s'affaire encore un instant et un étrange parfum parvient jusqu'à Jean. Ça sent bon, mais cette odeur ne m'est pas inconnue. Rien d'étonnant. J'en fais tous les jours et la maison en est imprégnée. Lassia revient vers le salon avec un plateau qu'elle pose délicatement sur la petite table où elle dispose de tasses de fine porcelaine. En fait, je prépare d'abord une décoction d'épices, le masala, dans laquelle je fais ensuite infuser un thé noir qui vient d'une vallée pas très loin de celle où je suis né. Tout en parlant, Lassia observe Jean, et si elle devine son impatience, elle remarque avec plaisir qu'il est tout à fait capable de la maîtriser. Elle laisse encore infuser le thé un court instant, puis, de la lourde théière de fonte, sert dans chacune des tasses un thé brun très odorant. Elle repose la théière et avec délicatesse porte la tasse à ses lèvres pour une première gorgée. Elle a l'air satisfaite de sa dégustation. « Je pense que vous apprécierez. » À son tour, Jean goûte le thé et à son expression, Lassia devine qu'elle a parfaitement cerné ses goûts. « C'est étonnant. Étonnant et délicieux. Je n'avais encore rien bu de pareil. » Lassia le remercie pour son compliment. « Je suis contente que cela vous plaise. » Son expression redevient plus sérieuse et dans ce visage, Jean retrouve le docteur Rampa. Lassia poursuit. « Bien. » Je pense que maintenant il est temps d'aborder ce pourquoi je vous ai demandé de venir. » Disant cela, avec dans la voix une légère hésitation, il est manifeste qu'elle réfléchit intensément. « Je n'ai encore jamais évoqué ce sujet avec un patient, pas plus qu'avec un ami, qui ne soit un initié et qui baigne dans l'enseignement du Veda et du Bouddha. Pour comprendre, mais surtout admettre ce que je vais vous dire, il faut que moi, avoir été formé de longues années dans un monastère, puis un ashram. Aussi ai-je bien failli décider de me taire. Cependant, la nature et l'intensité de vos perceptions, pendant les séances d'hypnose et ce que vous appelez vos rêves, m'ont convaincu que je devais le faire. D'autant que ces perceptions ont débuté dès la première séance et n'ont cessé dès lors de se préciser. Vous êtes un être d'exception, Jean, et vous n'en avez pas conscience. À ma connaissance, aucune personne, et encore moins un occidental, n'atteint ce stade sans l'initiation dont je vous ai parlé. Et cette initiation dure des années. Vous y êtes parvenu en moins de 4 mois, et sans aucune initiation. Je ne dirais pas que vous êtes un autre Bouddha, mais assurément vous êtes quelqu'un de singulier. J'en ai longuement parlé avec Skype, avec plusieurs de mes maîtres, et ils sont tous tombés d'accord pour admettre que non plus n'avaient jamais rien connu de tel, et que la raison de votre précocité se situe dans la somme infinie d'amour que vous portez en vous. Elle sent le vieil homme très ému. Je suis vraiment confus, Lassia. Je ne me sens pas du tout extraordinaire. Quant à l'amour que j'ai toujours cherché à donner, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Cela m'a coûté très cher et je continue d'en payer le prix. La seule fois d'ailleurs où je l'ai rencontré, je n'ai pas pu le garder. Sauf qu'il semble bien qu'il m'ait retrouvé. Il termine par une pirouette. Plus sérieusement, aborder ce sujet par Skype est peut-être imprudent. Vous avez dû affoler les grandes oreilles de la NSA. Lassia a un petit sourire. Je doute que la NSA ait pu comprendre grand-chose de ce que nous nous sommes dit, car nous parlions dans une langue vieille de plus de 5000 ans, pour laquelle il n'existe par ailleurs aucune transcription. Je leur souhaite donc bonne chance pour trouver un interprète. À cet instant, elle se recule sur l'autre coussin et tapote la place libérée sur le canapé. « Venez, Jean, venez, près de moi. » Son ton a quelque peu changé, peut-être moins impersonnel. Pour la suite de ce que j'ai à vous dire, je préfère qu'il n'y ait pas entre nous la barrière de la table, car pour nous engager sur ce chemin, il va falloir nous faire confiance. Êtes-vous d'accord pour continuer, sachant que nous abordons un sujet qui pourrait vous déstabiliser ? La réaction de Jean parle pour lui. Il se lève et vient s'asseoir près de Lassia. Ce que je viens de vivre depuis ces derniers mois avec ma quasi-guérison, le contact avec un amour perdu depuis tant d'années, tient déjà du miracle. Comment pourrais-je aujourd'hui être déstabilisé ? Non, tout va bien, tout va même très bien. Lassia esquisse un sourire. Tout d'abord, vous avez raison de parler de quasi-guérison, car pour ne pas renouer avec la douleur, il vous faudra poursuivre les pratiques que je vous ai enseignées. Elle boit une gorgée de thé et reprend. Bien, revenons au cœur du sujet. Je vais essayer de faire simple, mais n'hésitez pas à m'interrompre si nécessaire. Voilà. L'ethnie à laquelle j'appartiens vit depuis des millénaires dans une vallée perdue aux frontières de l'Inde, du Népal et du Tibet. Cette situation particulière a fait de nous des métis culturels. Je suis donc issu d'un peuple qui depuis des milliers d'années baigne dans l'hindouisme, le bouddhisme et le chamanisme. Le fondement de notre spiritualité repose cependant sur le Véda, dont nous suivons les enseignements depuis le 15e siècle avant Jésus-Christ. Le Véda signifie « vision ou connaissance ». Ce sont des textes révélés à partir desquels a été bâtie une philosophie dont les tenants considèrent comme possible la fin des réincarnations successives produites par le karma. Elle regarde Jean comme pour demander l'autorisation de poursuivre. Son sourire la rassure. Pour simplifier à l'extrême, nous dirons que le karma est la conséquence sur l'esprit ou sur l'âme des actions positives ou négatives de chacun. À la mort de votre corps, la part de votre karma correspondant au niveau où vous vivez fusionnera avec un des autres niveaux de votre âme. Celui d'un autre Jean à quelque stade de sa vie qu'il soit, la somme de ses karmas deviendra le karma de l'autre Jean, et dans votre cas, il se peut que cette somme donne un karma exceptionnel. J'en veux pour preuve vos aptitudes particulières, et cela sans même que vous n'ayez été initié. Jean l'interrompt un instant. Pardonnez-moi, Lassia. Mais si jusqu'à présent j'ai parfaitement compris ce que vous m'avez expliqué, en revanche, la notion d'âme à plusieurs niveaux m'échappe complètement. Je vais essayer d'être plus clair. Nous pensons que l'âme, comme la désignent les Occidentaux, est unique, mais qu'elle se compose d'une infinité de niveaux. Imaginons une infinité de plans parallèles, comme le seraient les pages d'un livre, qui en fonction de l'évolution de chaque individu peuvent communiquer entre elles et permettre à un niveau de fusionner avec un autre. La muraille que vous percevez dans vos séances d'hypnose et dans vos rêves n'est rien d'autre que la séparation entre les plans dans chacun desquels vit un autre vous. Les portes noires sont les accès à ces plans. Il y a une infinité de plans, un pour chaque univers. Il y a donc une infinité de gens vivant dans l'infinité des autres univers. Cette infinité d'univers est, dans la théorie quantique, connue sous le nom de multivers. C'est un peu comme si vous vous trouviez dans une pièce entre deux miroirs parallèles. Vous êtes unique, mais votre image y est multipliée à l'infini. Comme cette image subit le phénomène de diffraction, elle se modifie imperceptiblement pour commencer à être légèrement différente à la énième reproduction. Ce qui explique que là-bas, Nathalie et Jean ne portent peut-être pas tout à fait les mêmes noms, et n'ont peut-être pas non plus tout à fait les mêmes visages. Lacia marque une pause. Il est sans doute très difficile pour elle de simplifier à l'extrême un tel concept. Le temps de rassembler ses idées et elle complète son exposé. En conséquence, toute histoire que vous pourriez imaginer en ce monde est la réalité d'un autre et, comme il en existe une infinité, il y a aussi une infinité de scénarios possibles. Par exemple, vous écrivez « Le soleil se couche sur l'étang, une libellule se pose délicatement sur un nénuphar. » Ce que vous venez de décrire se passe obligatoirement quelque part. Si vous écrivez « Le soleil se lève sur l'étang, sur un nénuphar, une libellule déploie ses ailes et s'envole vers la lumière. » Cela signifie que dans un autre quelque part, ailleurs, la même libellule s'envole au petit matin au lieu que dans une autre réalité, elle se pose au soleil couchant. Changez un mot, une virgule, et vous êtes dans une autre réalité. Donc, quoi que vous puissiez imaginer, cela existe déjà et s'avère aussi réel que nous le sommes vous et moi. Jean mime la syncope. Un moment, Lacia, je commence à avoir le vertige. Lacia s'interrompt. Finissez donc votre thé, Jean, il va être froid. Puis le rassure. Rares sont ceux qui n'ont pas le vertige. Mais vous savez déjà que le moyen le plus sûr et pérenne de s'en défaire est l'hypnose. Bonne nouvelle, vous avez démontré que vous êtes un excellent sujet pour ces thérapies. Jean termine sa tasse de thé et Lacia poursuit. De même que pour une âme unique, il y a une infinité de Nathalie, il y a donc une infinité de Jean. Jean manque s'étrangler, il toussote. Et combien suis-je ? Lacia est amusée par le sens de la répartie du vieux monsieur. Par définition, vous êtes, je suis, une infinité, mais dans une seule âme, qui, elle, est bien unique. Voilà qui est rassurant. Je me sens tout de suite mieux. J'ai toujours détesté la foule. C'est la première fois qu'il la voit pouffer. Je suis vraiment très heureuse de votre réaction. Vos plaisanteries nous démontrent que les séances passées dans mon cabinet ont atténué vos douleurs tant morales que physiques. Un homme qui souffre n'a vraiment pas le goût de cet exercice. Plus sérieusement, Lacia poursuit ses explications. Comme pour tout individu qui a réussi à atteindre ce stade, votre vision est constituée d'un paysage vallonné barré par une muraille percée de portes noires. Parmi ces portes, une seule et toujours la même vous attire invariablement. Cette porte est la vision que nous avons de quelque chose de beaucoup plus complexe. Stephen Hawking, le grand astrophysicien, en a eu l'intuition lorsqu'il a dit « Les trous noirs sont très certainement les portes d'accès vers d'autres univers. » Pour nous, elle est en fait l'accès vers le niveau de l'âme le plus chargé en karma positif. Un chemin vers ce que nous avons appelé un autre moi et une autre Nathalie. C'est l'explication de la voix que vous entendez. C'est la même personne que celle que vous aimez, mais dans une autre réalité. Jean l'interrompt d'un petit geste de la main et demande « Admettons, mais pourquoi ne m'est-il possible de voir que cette réalité, pourquoi est-ce justement celle-là » Lacia lui répond « Pour la simple et bonne raison que parmi l'infinité de karma des différents niveaux, ce sont ceux qui ont le plus de charges positives qui s'attirent. C'est un peu comme dans un orage où le sol va automatiquement détecter le point précis du nuage avec lequel il va établir un contact pour échanger l'électricité dont ils sont chargés. Sauf que là, à la différence du phénomène électrique, les pôles doivent être de même charge, positive en l'occurrence. S'ils étaient négatifs, ils se repousseraient. » Lacia s'est eu le temps de servir le reste de la théière. Elle remarque que son nouvel ami est plongé dans un abîme de réflexion. L'air préoccupé, Jean demande « Il y a quelques instants, vous m'avez exposé que c'était l'amour que j'avais en moi qui constituait l'essentiel de la charge positive de mon karma. » « Exact. Et il en est de même pour Nathalie, qui, pour avoir la première établi un contact, doit vous aimer immensément. » Le visage de Jean se fige et s'assombrit comme s'il venait de comprendre quelque chose. Ce changement n'échappa à Lacia. Y a-t-il un problème ? Le visage de Jean se crispe un peu plus. Je pense à la souffrance de Nathalie lorsque nous nous sommes quittés. Elle a enduré tout cela pour moi. Il fronce les sourcils, semblant réaliser quelque chose. Comment se fait-il que tout ce que vous venez de m'expliquer recoupe totalement ce que la bande ruine nous a dit ? Ce n'étaient pas les mêmes mots, les mêmes noms, mais c'est le même concept. L'âme, le karma, le multivers, tout y est. Lacia lui sourit. Vous connaissez la réponse à cette question ? Le vieil homme se penche en avant, se prend la tête dans les mains un court instant, puis se redresse, l'air ébahi. Cela signifierait que ces connaissances sont une source unique ? et qu'elles ont ensuite évolué au fil des millénaires et des migrations. La Ciel lui prend les mains. Bravo, je n'aurais pas mieux dit. Elle s'interrompt un instant. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Et c'est ce que vous a dit la Bandrui. Vous le savez bien d'ailleurs, c'est la charge d'amour que vous portez en vous qui vous a sauvé de la destruction. Qu'en est-il aujourd'hui? Une ombre passe sur le visage de Jean. Avant que je ne suive votre thérapie, j'allais vraiment très mal, car à la douleur physique s'ajoutait le désespoir et mes rêves se résumaient à un chuchotement presque inaudible. Il marque un temps d'arrêt et Lacia respecte son silence. Vous savez, je crois que rien n'est plus terrible pour un être humain que d'avoir connu un amour comme celui que j'ai connu avec Nathalie pour ensuite en être privé tout au long de sa vie. Combien de fois me suis-je demandé si ma vie n'était pas un non-sens? Combien de fois me suis-je demandé « Mais qu'est-ce que je fais ici ?» Lacia le regarde avec une immense compassion dans ses grands yeux noirs. « Et maintenant, savez-vous ce que vous faites ici ?» Le vieil homme a les yeux qui piquent. Il ôte ses lunettes, se masse le haut du nez entre le pouce et l'index, puis remet ses lunettes et ouvre les yeux. « Grâce à vous, Lacia, et alors que j'allais perdre tout espoir, j'entrevois une lumière au bout du chemin. Je sais que je vais enfin retrouver mon amour, mon âme sœur. » En un geste spontané d'amitié, Lacia lui prend la main. « Soyez heureux, Jean. En approchant cette porte entre vos deux plans de conscience, vous avez commencé à transférer votre karma. Le processus s'achèvera à la fin de votre vie et vous avez tout le temps d'apprendre à chacun de vos contacts. Vous comprendrez que la vie n'a pas de fin et qu'elle ne s'arrête pas avec la mort. Nous changeons tout simplement d'enveloppe. » Le magnifique sourire qui illumine le visage de Rin parvient presque à effacer ses rides. Si certaines femmes donnent la mort en tuant l'espoir, d'autres donnent la vie en le ressuscitant. Merci, Lacia. Merci de toute mon âme. Lacia est terriblement émue tant le bonheur de Jean est immense et laisse même échapper une larme lorsque le vieil homme lui embrasse les mains, s'incline profondément, les posant sur sa tête, comme cela se fait en Afrique, pour marquer sa reconnaissance envers ceux pour lesquels on éprouve un grand respect. Enfin, elle se redresse et repose les mains de Lacia place sur sa jupe. Elle a visiblement du mal à retrouver son calme. « Vous m'avez fait pleurer. Vous voyez, je ne pouvais décemment pas rester votre médecin. » Alors que la nuit approche, ils vont rester ainsi de longues minutes, savourant cet instant, mais le moment est venu pour Jean de prendre congé. Le raccompagnant, Lacia lui renouvelle son aide. « N'oubliez pas notre accord. Chaque vendredi, j'attendrai votre appel. » Une dernière chose cependant, avec le temps, vos visions deviendront de plus en plus nettes et audibles. Elles s'installeront en permanence dans vos rêves, vous vous rapprocherez de plus en plus de Nathalie et pourrez presque la voir et la toucher en attendant d'être enfin réunis. Ce sera peut-être dur parfois, mais chacun de ces instants vous transférerez une part de votre karma. Ce n'est qu'une fois le transfert achevé que le passage pourra se faire, c'est-à-dire le moment où votre réincarnation s'accomplira. De ce que vous me décrivez, Nathalie a achevé son transfert, autrement dit, sa vie dans cette dimension. Jean a comme un sursaut. Oui, c'était comme je vous l'ai dit la nuit du 14 février. J'éprouvais tout à la fois une immense tristesse et une joie intense. La sœur réfléchit un instant. Selon toute vraisemblance, elle vous attend prête à franchir sa porte pour se réincarner. Je suis bien incapable de vous dire quel est cet endroit. Je ne peux que supposer que le temps ne doit pas s'y écouler de la même manière. Si elle avait déjà accompli le cycle, je pense que vous ne pourriez pas communiquer. Je suis presque certaine que c'est la force de son amour qui l'a conduite dans cet espace. Elle voulait vous attendre et par-dessus tout vous dire qu'elle est là et qu'elle vous aime. Jean est au bord des larmes. L'évocation de Nathalie et le fait de savoir qu'elle l'attend quelque part lui donne l'impression que sa poitrine ne peut plus contenir son cœur. L'espoir et la joie sont si forts. Lacia lui prend la main. Je pense pouvoir vous enseigner bientôt des techniques qui optimiseront le transfert de votre karma et le moment venu, votre passage. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour consulter un de mes maîtres. Mais surtout, Jean, n'oubliez jamais une chose. Sans le son impalpable, mais bien présent dans lequel nous baignons, sans souvent l'entendre, sans la vibration de l'amour, la matière n'aurait plus aucune cohésion et nous retournerions au chaos. Certains l'appellent la gravitation, mais c'est un peu plus compliqué. Et peut-être cela échappe-t-il à toutes les équations que l'homme a pu imaginer, imagine et imaginera jamais